La julienne de légumes, pas mal pour les juliennes de légumes. Et je termine et je vous sers, si vous en voulez, juste pour faire ce que j'ai fait là. Vous voyez, ça s'appelle la brunoise de légumes. C'est très long à faire. Je parlais. Pour la brunoise de légumes, si vous voulez. Voilà, 6 euros la paix, 6 euros la paix. Allez, donne-lui, donne-lui, donne-lui, donne-lui, donne-lui. Il y a deux ballons. Ah, mais t'as 10 euros, les gars, 10 euros. Ah, vous les voir, il est là. Ah, Philippe Malbourg. Allez, voilà, il est là sur la tête. 6 euros seulement, là. Voilà, tata, 6 euros la paix. Voilà, 6, ça part là, tata. C'est 6 euros seulement. Hein. Eh, 6 euros la paix! Y'en a plus, tout le monde a dit que cadeau, si on déparle en équipe, par la médaille. Allez, Je suis là. Je suis qui m'en t'aille. On va y entrer les fous. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Regarde les proches d'un peu de petits.